jolie des enfants, son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves. Et la plus triste des mamans, le prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu son cheval blanc loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à boire, à traîner dans les bars, en mitouflé dans son cafard. Maintenant elle fait le trottoir. Elle part. Et dans un sommeil infini, sans lui on voit finir sa vie. Et les lumières dansent dans l'ambulance. Mais es-tu sa dernière chance? Tout ça n'a plus d'importance. Elle part. Sur 9h FM, ça va bien, le week-end était bon. Bah écoutez, on est super content de vous retrouver. Vous êtes en vacances, hein, si vous faites partie des plus chanceux pendant que les autres bossent encore, on est là pour vous accompagner avec Michael Jackson, Easy aussi avec Mon Cœur. Et puis Maneskin, voici Baby Side, il est 15h. Religion, are you close to your mother? Tell me. you talking, I go dead. Shut your mouth, give me your head. Baby said, let me taste your silhouette. You can talk between my legs. Écoutez 9h FM partout sur Terre. Connectez-vous via les applis radio sur ordi, smartphone et tablette. Accaparé par raison, information continue. Aucune accalmie, pas une seule seconde. Je vais finir par te perdre. Crache tes poumons, fais tomber la fièvre. Mon cœur, mon cœur. Si je suis déjà fatigué par les coups qui te détraquent. Pas une fois elle t'a quitté. Cette foutue envie de te battre. Fais sauter le moniteur et les électrocardiogrammes. Mon cœur, mon cœur. 9h FM, toujours avec vous. C'est l'heure où les videurs deviennent gentils, même avec les gens qui font peur et sont pas beaux la nuit. Ces pieds qui collent me donnent le sentiment qu'il faut qu'on dorme maintenant. Quand dans la boîte c'est moi, t'étais pas là, que c'est bientôt les lacs du Connemara. Je tente de danser pour plus penser mes pensées le passé. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. It is the nights when I'm drunk that it hits me more. Feels like it opens up the door I was keeping closed. It comes in waves and then it settles. Say it will end, but I know it won't. Well, I've been in a right mess, oh yes, since you left me here alone. Every time your name gets brought up, I get caught with the tears that will overflow. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Solitude sans toi. J'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. De tout ça, je la sens la solitude sans toi. La collaboration de Vianney et Ed Sheeran avec Call On Me dans le Nivernais, dans le Bourbonnais, alors que les vacances de la Toussaint commencent à peine, vous pensez déjà peut-être à vos vacances de Noël. Eh bien, on connaît le meilleur moment pour préparer vos vacances de Noël. Ça sera entre 26 et 72 jours avant, d'après une étude du site Kayak qui vient de sortir. Les recherches des vols pour prendre l'avion sont en hausse, de près de 30% quand même en cette fin d'année par rapport à la même période sur 2022, ce qui confirme la sensation d'évasion dont ont grand besoin les Français. Il y a Bonham qui va pas tarder avec My Blacker et puis Mika avec C'est la vie sur 9h FM. 9h FM se mobilise pour Octobre Rose. Programmation spéciale, interviews, chroniques informatives et rendez-vous exclusifs, le tout pour une noble cause. Octobre Rose. 9h FM soutient Octobre Rose dans votre région. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il est la première cause de décès par cancer chez la femme. Ensemble, mobilisons-nous pour la recherche, la sensibilisation et la prévention du cancer du sein. 9h FM solidaire d'Octobre Rose. Vous souhaitez communiquer sur votre événement Octobre Rose? Contactez-nous 09 52 39 35 35.

Parmi les classiques, Bonnie M avec My Baker dans Nivernais dans le Bourbonnais. Le plus célèbre des sorciers va faire son retour à la télé demain soir, c'est Harry Potter. Alors vu que c'est les vacances et que c'est Halloween aussi bientôt, hein, TF1 ne pouvait pas mieux choisir en cette période. Pendant que vos enfants sont en vacances, eh bien Harry, lui, fera sa rentrée à l'école des sorciers demain soir. La semaine prochaine, il nous emmènera dans la chambre des secrets avant d'aller libérer le prisonnier d'Azkaban. Voilà. Bon, pour savoir si TF1 nous diffusera la trilogie d'Harry Potter, va falloir attendre un petit peu quand même. La SketchUp, ça va pas tarder. Pink et puis Mantissa aussi, voici Mamma Mia. Il était son homme, son essentiel. Lui, il aimait Candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche. Dieu, quel dégoût! Ce mot dans sa poche, elle l'a compris d'un coup. Animal. Est-ce qu'après tout c'était pas si mal? Elle y pense encore quand elle s'endort. Elle était gauche, elle était droite, surtout que c'est moche quand tout à coup. Est-ce qu'après tout c'était pas si mal? J'empile, empile des questions tellement banales. Le problème, je me demande si c'est moi. Qu'on prenne la coque qui pourra. Je vais tout brûler, même ta maison. Más ramène carrément au début des années 2000, The Lost Ketchup avec The Ketchup Song dans l'after. Bon, si vous êtes un gros consommateur de café, arrêtez tout de suite de jeter votre mare de café. Cela pourrait vous servir pour vous chauffer cet hiver. Des étudiants de Troyes dans l'Aube ont eu l'idée de donner une seconde vie aux mares de café en transformant cela en petits granulés pour l'eau chauffage. Voilà, avec 2,5 milliards de tasses de café bues chaque jour sur la planète, on a trouvé la nouvelle ressource de chauffage qui est quand même bien moins chère que les énergies fossiles. On va arriver à 16h, on va retrouver la rédac pour l'info. Avant ça, la Sophie 56 et puis M. Simon avec Shiny Light. Allez, un petit sourire et hop, c'est dans la boîte. Bah tonton, qu'est-ce que tu fais? Ah oh bah ma chérie, je m'occupe de tout, hein. T'inquiète pas, photos, sono. Ah d'ailleurs, je te laisse, je passe à l'animation. Bip bip. Sinon, chez MyElement, on vous propose des prestations professionnelles à moindre coût pour vos événements clés en main et personnalisés. Animation, reportage photo et vidéo, sonorisation, éclairage, Barnum. Surprenez vos invités et marquez les esprits avec MyElement. Plus d'infos sur myelement.fr. MyElement, votre événement est unique. 9h FM, solidaire d'Octobre Rose. Vous souhaitez communiquer sur votre événement Octobre Rose? Contactez-nous. 09 52 39 35 35. L'invité de la rédac. Jeudi, 19h. L'invité de la rédac. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein. Mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Vous vous en remercierez. C'est pour un dépistage. Pour en savoir plus, consultez votre médecin ou rendez-vous sur le site e-cancer.fr. Un message de l'Institut National du Cancer. Événement à Moulins. Le salon du tatouage les 10, 11 et 12 novembre. 3 jours d'animation sensationnelle avec plus de 120 artistes du monde entier. Samedi, en exclusivité, concert de Moho et Vivi, ex-membres de Trust, avec feu d'artifice. 3 jours de concours tatou, exposants, piercing ou encore village food truck. Des animations avec spectacle burlesque, show et concert. Entrée à partir de 10 euros, passe 3 jours 20 euros. Entrée offerte pour les moins de 12 ans. Le salon du tatouage, les 10, 11 et 12 novembre au parc Moulins Expo à Avermes. Tous les tubes. Une radio. I've been alone inside my mind. Yeah, I know what I felt kept me down. That ain't right. Those days of feeling lonely. All I need is the way that you love me.

sai pure sto zitto, Italo Disco. Questa non è Ibiza, festival bar con la cassa dritta. Ti sto cercando dai nebbia fitta. Ti giuro se ti penso la mia testa suona, suona Italo Disco. I'm sitting here in the boring room. just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. Alors, c'est quoi cette affaire encore au boulot pendant que des petits chanceux profitent pleinement des vacances avec 9h FM? Vous avez bien raison, on est là pour vous accompagner avec l'after et les 16h. Dans quelques minutes, Alice avec son soir à canap, avant ça Amir, Purple Disco Machine Substitution, et à 16h, c'est la rédaction qui est de retour pour l'info. Bonjour à tous, à la une de l'actualité, la gare TGV de Massy évacuée à la mi-journée à cause d'un colis suspect. Le site a pu rouvrir en tout début d'après-midi, une heure plus tard, après l'inspection minutieuse des démineurs. Les alertes à la bombe continuent à travers toute la France. D'après le ministère des Transports, il y a eu 70 alertes dans les aéroports en 5 jours seulement, 299 dans les écoles depuis le mois de septembre. Emmanuel Macron va se rendre en Israël demain. Le chef de l'État doit rencontrer Benjamin Netanyahou pour négocier une trêve humanitaire. Après l'attaque du Hamas le 7 octobre, 30 Français ont été tués et 7 sont toujours portés disparus. À Gaza, le Hamas annonce un bilan de plus de 5000 morts. Un troisième convoi d'aide alimentaire est arrivé à Gaza depuis l'Égypte et la Turquie a envoyé 2 avions cargo transportant du matériel médical. Des discussions sont en cours entre l'Arabie Saoudite et Dassault pour l'achat de 54 Rafales, ces avions de combat développés pour la Marine nationale et l'armée de l'air française. Le ministère des Armées l'a confirmé cet après-midi. Dassault Aviation a jusqu'au 10 novembre pour faire une offre de prix. En fait, Riyad veut mettre la pression sur l'Allemagne qui s'oppose à un contrat de 50 avions de combat que Londres veut signer avec les Saoudiens. Le Jura, l'Aisne, la Drôme et l'Ardèche placés en vigilance orange, pluie, inondation et orages. On attend sur place un épisode pluvieux intense et de courte durée. Une alerte reconduite ce mardi. Enfin, c'est la nouveauté depuis ce matin chez les buralistes, le lancement d'un nouveau jeu de grattage dont une partie des recettes sera reversée à la protection de l'environnement. Une vingtaine de sites bénéficieront directement de cette aide un peu partout en France. Les explications de Julie Pierret avec Marie Bonnet-Blanc. On le retrouve chez la plupart des buralistes. Arnaud a été l'un des premiers clients à gratter. En fait, j'ai vu un ticket vert d'abord. J'ai vu la couleur verte, ça m'a attiré. Ça peut aider la nature. Je préfère gratter un jeu qui va aider la nature. Là, c'est génial. Mais c'est bon, là c'est bon, on a gagné 10 euros. 10 euros, c'est ça. Fantastique. En fait, le principe est tout simple pour Julien, buraliste. Il y a deux jeux et un bonus. Jusqu'à 30 000 euros et ça coûte 3 euros. Je pense que les gratteurs vont être intéressés juste pour le gain. Une partie de la somme du ticket est reversée à une association pour créer des jardins, une biosphère. 42 centimes par ticket seront en fait reversés à l'Office français de la biodiversité. France Nature Environnement alerte sur la confusion entre jeux et préservation de la nature. Voilà, et vous pouvez peut-être vous aussi tenter votre chance. Voilà, c'est la fin de ce flash. Excellent après-midi à tous. 9h FM. 9h FM. FM. Je veux des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes, je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines, pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps. Si t'es avec moi, c'est toi dans ce monde fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. T'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Un sacré séducteur dans l'âme, et il l'assume totalement d'ailleurs, hein, d'après ce qu'il a dit, c'était Amir avec longtemps dans l'after. Il y a M-Pokor qui arrive les planètes. Queen aussi, I want to break free. Juste avant, c'est Alice qui était avec nous avec son sur un canapé de ce lundi. Bonjour Alice. Bonjour à tous. France 3 nous propose ce soir un classique du cinéma français qui ravira petits et grands, la soupe aux choux avec l'inimitable Louis de Funès. Tiens, ça c'est de la soupe aux choux. Dans un hameau du Bourbonnais, deux retraités, le Glaude et le Bombay, célèbrent depuis des années le culte du vin et de la bonne chère. Ils vivent en paix jusqu'au jour où un ovni atterrit dans le jardin du Glaude. À l'insu de son ami, le vieil homme sympathise avec l'extraterrestre et l'invite à sa table. L'un des derniers films de Louis de Funès, dans un rôle drôle et touchant. La soupe aux choux, c'est ce soir sur France 3. Sur M6, c'est la suite de l'aventure L'amour est dans le pré. Sur la 12, retrouvez le magazine Crime. Et ce soir sur TF1 Série Film, on retrouve Tom Hanks dans son rôle le plus culte, Forrest Gump. Je m'appelle Forrest, Forrest Gump. De la fin des années 40 à l'affaire du Watergate, en passant par la guerre du Vietnam, trois décennies de l'histoire américaine sont racontées à travers le récit de la vie tumultueuse d'un simple esprit au grand cœur, diablement intelligent, commun. Et émouvant. Ce film est un véritable chef-d'œuvre qui met en lumière tout le talent de Tom Hanks. Forrest Gump, c'est ce soir sur TF1 Série Film. Sur C8, retrouvez le commissaire Magellan. Sur Sister, c'est l'intégrale de la série Kaamelott. Et si vous avez des envies d'évasion sous le soleil, W9 vous met dans l'ambiance avec un film d'animation Disney, Vaiana, la légende du bout du monde. Un bateau! Sur une île de l'océan Pacifique, Vaiana, la fille du chef, irrésistiblement attirée par le grand large, va sur les encouragements de sa grand-mère braver l'interdiction de son père de naviguer au-delà du récif afin de retrouver Maui, le demi-dieu, pour mettre fin à une malédiction. Maui, le retour! Une véritable pépite des studios Disney qui enchantera petits et grands. Vaiana, la légende du bout du monde, c'est ce soir sur W9. Et voilà pour le meilleur de votre soirée canap. Installez-vous confortablement et faites votre choix. 9h FM.

m'amuse. Je t'appelle mais tu décroches pas. Un shot je pense à toi. Deux shots je pense à toi. Trois shots je pense à toi. Quand je danse, quand tu danses, les planètes tournent tout autour. Pardonne-moi l'indifférence, je reviendrai au lever du jour. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau. Ta peau contre ma peau, ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau, est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie? Quand je danse, quand tu danses, les planètes tournent tout autour. Pardonne-moi l'indifférence, je reviendrai au lever du jour. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo. Contre ma peau, ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau, est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie? Gosse qui fait craquer plus d'une bourbonnaise, tu m'étonnes. M Pokor avec Les Planètes, nouvel album, nouvelle tournée pour ses 20 ans de carrière cette année, et puis nouvelles envies aussi pour M Pokor, hein, qui a dit bah, ça fait 20 ans que je fais de la chanson, je vais pas arrêter pour autant, mais j'aimerais bien me lancer dans un nouveau domaine, le cinéma, j'ai envie d'être acteur. Bon, on m'a déjà fait quelques propositions, a-t-il dit, hein, mais ça me correspond pas. Ce sont des propositions qui correspondent bien à ce que je suis dans la vie, alors que j'aimerais interpréter des personnages à l'opposé de ce que je suis réellement. Voilà ce qui est annoncé. M Pokor avec Les Planètes, affaire à suivre, hein, pour le coup, pour le voir au cinéma bientôt. Dans quelques minutes, c'est Alok et The Chainsmokers qui arrive sur RMN. Exclusivité Toshiba Nevers, le totem indoor made in France. Vous souhaitez digitaliser, optimiser la diffusion de vos informations, renforcer votre image ou encore votre notoriété auprès de vos clients et de vos citoyens? Bonne nouvelle, Toshiba Nevers vous accompagne. Venez découvrir notre nouvelle gamme et outils de gestion délégués en affichage dynamique avec notre totem indoor made in France. Rencontrez nos équipes de Toshiba Nevers pour une présentation exclusive du totem made in France. Toshiba Nevers, une entreprise internationale avec un réseau et une réactivité de proximité. Toshiba, 24 rue Georges Dufaux, à Nevers. Artisans, commerçants ou encore collectivités locales, promotionnez vos activités, élargissez votre visibilité ou encore augmentez votre potentiel de visiteurs. Plus d'infos au 09 52 39 35 35. Nevers FM se mobilise pour Octobre Rose. Programmation spéciale, interviews, chroniques informatives et rendez-vous exclusifs, le tout pour une noble cause. Octobre Rose. Nevers FM soutient Octobre Rose dans votre région. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il est la première cause de décès par cancer chez la femme. Ensemble, mobilisons-nous pour la recherche, la sensibilisation et la prévention du cancer du sein. Nevers FM solidaire d'Octobre Rose. Vous souhaitez communiquer sur votre événement Octobre Rose? Contactez-nous 09 52 39 35 35. Les déchetteries de Nevers, de la rue de Prépoitiers et de l'impasse des Taupières vous communiquent leurs horaires jusqu'au 15 novembre inclus. Les horaires d'ouverture pour les deux déchetteries sont de 8h à 19h, les lundis, mercredis, vendredis et samedis. Les horaires des mardis et jeudis de Prépoitiers sont de 8h à 13h et des Taupières de 13h30 à 19h. Les déchetteries mobiles de Chaluy et Pouglézeau sont ouvertes de 11h à 17h30 selon le planning en vigueur. Tous les tubes, une radio. Skirt. écoutez 9h FM. De Decize à Moulins sur 105.2. Sur internet ou sur smartphone, la journée se termine tranquillement avec 9h FM dans le Nivernais, dans le Bourbonnais. Et la chanteuse Clara Luciani vient enfin de partager une adorable photo de son fils avec ses fans sur internet. Alors bon, ne vous attendez pas à voir la tête du petit bout de chou, hein, parce qu'elle a décidé de le protéger, ce qui peut se comprendre. En fait, elle a simplement posté deux paires de chaussures, celle de maman et celle de bébé, qui sont totalement minuscules. Entre deux biberons, Clara Luciani est quand même en studio pour préparer un nouvel album à découvrir d'ici 2024. Il y a ces phases qui arrivent. One Way Public et Christophe Maé, voici l'amour. Ça fait de nous des âmes heureuses, ça fait de nous.

travail, à la maison. 9h FM, toujours avec vous. Devant son poste de télévision, elle a fait bien loin que personne la touche. Des mois, des années, sans personne à aimer. Jour après jour, l'oubli de l'amour. Ses rêves et désirs, si sages et possibles. Sans cri, sans délire, sans inadmissible. Sur 10 ou 20 pages de photos banales. Bilan sans mystère, d'années sans lumière. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration. C'est quoi cette affaire? Encore beau là, sorcier. On pense à tous ceux qui ont la chance d'être en vacances là, avec Nover FM pour la playlist et les 17h. Bienvenue dans plein cœur de l'after avec Christine Andoquins qui va pas tarder. Lewis Capaldi, Forget Me. Juste avant, voici la rédaction qui est avec nous pour l'info à 17h. Bonsoir à tous, à la une de l'actualité. 6 départements désormais concernés par l'alerte orange pluie et inondation dès demain. Les Alpes-Maritimes viennent rallonger la liste. L'épisode pluvieux va démarrer très tôt ce mardi jusqu'au milieu de l'après-midi. D'après Météo France, il devrait être moins violent que vendredi dernier, mais il est conseillé tout de même d'éviter les promenades en bord de mer et de rester à l'abri. Échange houleux à l'Assemblée nationale. Les députés débattent de la guerre entre le Hamas et Israël dans l'hémicycle. Un débat sans vote avec un objectif, faire bloc avec la ligne d'Emmanuel Macron. Il est attendu demain en Israël pour négocier une trêve humanitaire. Les insoumis, eux, demandent un cessez-le-feu. La France doit prochainement envoyer 10 millions d'euros d'aide humanitaire. Légère remontée dans le prix du carburant d'après les chiffres du 20 octobre. Comptez 1,88€ environ pour un litre de gazole, une hausse de 3,4 centimes et plus 1,5 centimes pour le litre de sans-plomb 95 E10 qui grimpe à 1,83€ le litre. N'utilisez plus les médicaments anti-rhumes, la consigne de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Ces produits pourraient provoquer des AVC, entre autres. Mathurin Samain. Oui, on en a tous dans nos armoires à pharmacie, Actifed, Humex ou encore Dolirum. La persistance de certains effets secondaires inquiète le gendarme du médicament. Une hausse des accidents vasculaires cérébraux et d'infarctus est détectée sur une poignée de patients chaque année. Le chiffre est faible, mais le risque est trop important pour un simple nez bouché. L'ANSM n'a pas de preuve formelle de la dangerosité de ces médicaments et ne peut donc pas interdire ni suspendre la vente en pharmacie. Leur utilisation est simplement déconseillée. En cas de rhume, vous pouvez utiliser des sprays d'eau de mer disponible sans ordonnance et du paracétamol en cas de mal de tête. Merci Mathurin. À partir de ce soir, 21h30, plus aucun métro ne circulera à Marseille et ce pour au moins 2 ans. Objectif pour le réseau de transport, tester les nouvelles rames automatiques qui seront bientôt mises en place. Et ça, ça agace les usagers et la mairie également qui parle d'une décision prise de manière unilatérale. Des bus de substitution seront mis en place avec un passage toutes les 10 minutes.

tenu la distance. Et je te hais de tout mon corps. Mais je